Les brancardiers, les prêtres, les malades elles-mêmes venaient d'entonner un cantique, la complainte de Bernadette, et tout roulait au milieu de l'obsession des ave. Et les petites voitures, les brancards, les piétons descendaient la pente de la rue en un ruisseau grossier et débordant, charriant ses flots à grand bruit. Au coin de la rue Saint-Joseph, près du plateau de la Merlasse, une famille d'excursionnistes, des gens qui arrivaient de Cauterets ou de Bagnères, restaient plantés au bord du trottoir dans un étonnement profond. Ce devaient être de riches bourgeois, le père et la mère, très corrects, les deux grandes filles, vêtues de robes claires, avec des visages riants d'heureuses personnes qui s'amusent. Mais, à la surprise première du groupe, succédait une terreur croissante, comme s'ils avaient vu s'ouvrir une maladrerie des temps anciens, un de ces hôpitaux de la légende qu'on aurait vidé après quelque grande épidémie. Et les deux filles pâlissaient, le père et la mère demeuraient glacés devant le défilé ininterrompu de tant d'horreurs, dont ils recevaient le vent empesté à la face. Mon Dieu, tant de laideur, tant de saleté, tant de souffrance! Était-ce possible, sous ce beau soleil si radieux, sous ce grand ciel de lumière et de joie, où montait la fraîcheur du gave, où le vent du matin apportait l'odeur pure des montagnes? Lorsque Pierre, en tête du cortège, déboucha sur le plateau de la Merlasse, il se sentit baigné par ce soleil si clair, par cet air si vif et si embaumé. Il se retourna, sourit doucement à Marie. Et tous deux, dans la splendeur du matin, comme ils arrivaient au centre de la place du Rosaire, furent enchantés par l'admirable horizon qui se déroulait autour d'eux. En face, à l'est, c'était le vieux Lourdes, couché dans un large pli de terrain de l'autre côté de son rocher. Le soleil se levait derrière les monts lointains, et ses rayons obliques découpaient en lilas sombres ce roc solitaire que couronnaient la tour et les murs croulants de l'antique château, jadis la clé redoutable des sept vallées. Dans la poussière d'or volante, on ne voyait guère que des arêtes fières, des pans de construction cyclopéennes, puis de vagues toitures au-delà, les toits décolorés et perdus de l'ancienne ville, tandis qu'en deçà du château, débordant à droite et à gauche, la ville nouvelle riait parmi les verdures, avec ses façades blanches d'hôtels, de maisons garnies, de beaux magasins, toute une cité riche et bruyante, poussée là en quelques années comme par miracle. Le gave passait au pied du roc, roulant le fracas de ses eaux limpides, vertes et bleues, profondes sous le vieux pont, bondissantes sous le pont neuf, construit par les pères, pour relier la grotte à la gare et au boulevard ouvert récemment. Et, comme font à ce tableau délicieux, à ces eaux fraîches, à ces verdures, à cette ville rajeunie, éparse et gaie, se dressaient le petit Gers et le grand Gers, deux croupes énormes de roches nues et d'herbes rases, qui, dans l'ombre portée où elles baignaient, prenaient des teintes délicates, un mauve et un vert pâli qui se mouraient dans du rose. Puis, au nord, sur la rive droite du gave, au-delà des coteaux que suit la ligne du chemin de fer, montaient les hauteurs du Bois-là, des pentes boisées, noyées de clarté matinale. C'était de ce côté que se trouvait Bartrès. Plus à gauche, la serre de Julot se dressait, dominée par le Miramont. D'autres cimes, très loin, s'évaporaient dans les terres. Et au premier plan, s'étageant parmi les vallonnements herbus, de l'autre côté du gave, la gaieté de ce point de l'horizon était les couvents nombreux qu'on avait bâtis. Ils semblaient avoir grandi comme une végétation naturelle et prompte sur cette terre du prodige. Il y avait d'abord un orphelinat, créé par les sœurs de Nevers, et dont les vastes bâtiments resplendissaient au soleil. Puis, c'étaient les carmélites, en face de la grotte, sur la route de Pau, et les assomptionnistes, plus haut, au bord du chemin de Pouéferré. Et les dominicaines, perdues au désert, ne montrant qu'un angle de leur toiture, et enfin les sœurs de l'Immaculée Conception, celles qu'on appelait les sœurs bleues, qui avaient fondé, tout au bout du vallon, une maison de retraite où elles prenaient en pension les dames seules, les pèlerines riches, désireuses de solitude. À cette heure des offices, toutes les cloches de ces couvents sonnaient d'allégresse, à la volée, dans l'air de cristal, pendant que, de l'autre bout de l'horizon, au midi, des cloches d'autres couvents leur répondaient, avec le même éclat de joie argentine. Près du pont vieux, surtout, la cloche des Clarisses égrenait une gamme de notes si claires qu'on aurait dit le caquetage d'un oiseau. De ce côté de la ville, des vallées encore se creusaient, des monts dressaient leurs flancs nus, toute une nature tourmentée et souriante, une houle sans fin de collines, parmi lesquelles on remarquait les collines de Vicens, moirées précieusement de carmin et de bleu tendre. Mais lorsque Marie et Pierre tournèrent les yeux vers l'ouest, ils restèrent éblouis. Le soleil frappait en plein le grand Béhou et le petit Béhou, aux coupoles d'inégale hauteur. C'était comme un fond de pourpre et d'or, un mont éblouissant où l'on ne distinguait que le chemin qui serpente et monte au calvaire parmi des arbres. Et là, sur ce fond ensoleillé, rayonnant ainsi qu'une gloire, se détachaient les trois églises superposées que la voix grêle de Bernadette avait fait surgir du roc à la louange de la Sainte Vierge. En bas, d'abord, était l'église du Rosaire, écrasée et ronde, taillée à demi dans la roche, au fond de l'esplanade, qu'en serraient les bras immenses, les rampes colossales s'élevant en pente douce jusqu'à la crypte. Il y avait là un travail énorme, toute une carrière de pierres remuées et taillées, des arches hautes comme des nefs, deux avenues de cirques géants, pour que la pompe des processions se déroulât et que la petite voiture d'une enfant malade pût monter à Dieu sans peine. Puis, c'était la crypte, l'église souterraine, qui montrait seulement sa porte basse, par-dessus l'église du Rosaire, dont la toiture dallée, au vaste promenoir, continuait les rampes. Et, enfin, la basilique s'élançait, un peu mince et frêle, trop neuve, trop blanche, avec son style amaigri de fins bijoux, jaillie des roches de Massabielle ainsi qu'une prière, une envolée de colombes pures. La flèche, si menue au-dessus des rampes gigantesques, n'apparaissait que comme la petite flamme droite d'un cierge parmi l'immense horizon, la houle sans fin des vallées et des montagnes. À côté des verdures épaisses de la colline du Calvaire, elle avait une fragilité, une candeur pauvre de foi enfantine. Et l'on songeait aussi aux petits bras blancs, à la petite main blanche de la chétive fillette qui montrait le ciel dans une crise de sa misère humaine. On ne voyait pas la grotte, dont l'ouverture se trouvait à gauche, au bas du rocher. Derrière la basilique, on n'apercevait plus que l'habitation des pères, un lourd bâtiment carré, puis le palais épiscopal, beaucoup plus loin, au milieu du vallon ombreux qui s'élargissait. Et les trois églises flambaient dans le soleil du matin, et la pluie d'or des rayons battait la campagne entière, pendant que la volée sonnante des cloches semblait être la vibration même de la clarté, le réveil chanteur de ce beau jour naissant. De la place du Rosaire, qu'ils traversaient, Pierre et Marie jetèrent un coup d'œil sur l'esplanade, le jardin à la longue pelouse centrale que bordent deux allées parallèles et qui va jusqu'au nouveau pont. Là se trouvait, tournée vers la basilique, la grande Vierge couronnée. Et toutes les malades, en passant, se signaient. et l'effrayant cortège roulait toujours, emporté dans son cantique, au travers de la nature en fête. Sous le ciel éclatant, parmi les monts de pourpre et d'or, dans la santé des arbres centenaires, dans l'éternelle fraîcheur des eaux courantes, le cortège roulait, ses damnés des maladies de la peau, à la chair rongée, ses hydropiques enflées comme des outres, ses rhumatisantes, ses paralytiques tordues de souffrance, et les hydrocéphales défilaient, et les danseuses de Saint-Guy, et les phtisiques, les rachitiques, les épileptiques, les cancéreuses, les goitreuses, les folles, les imbéciles. Ave, ave, ave, Maria. La complainte obstinée s'enflait davantage. Charrié vers la grotte, le flot abominable de la pauvreté et de la douleur humaine, dans l'effroi et l'horreur des passants, qui restaient plantés sur leurs jambes, glacés devant ce galop de cauchemar. Pierre et Marie, les premiers, passèrent sous l'arcade haute d'une des rampes. Puis, comme ils suivaient le quai du Gave, tout d'un coup, ce fut la grotte. Et Marie, que Pierre poussait le plus possible près de la grille, ne put que se soulever dans son chariot en murmurant « Oh, très sainte Vierge, bien-aimée Vierge !» Elle n'avait rien vu, ni les édicules des piscines, ni la fontaine aux 12 canons devant lesquels elle venait de passer. Et elle ne distinguait pas davantage, à gauche, la boutique des articles de sainteté, à droite, la chaire de pierre qu'un religieux occupait déjà. Seule, la splendeur de la grotte l'éblouissait. 100 000 cierges lui semblaient brûler là, derrière la grille, en plissant d'un éclat de fournaise l'ouverture basse, mettant dans un rayonnement d'astres la statue de la Vierge posée plus haut, au bord d'une excavation étroite en forme d'ogive. Et rien n'était, en dehors de cette glorieuse apparition, ni les béquilles dont on avait tapissé une partie de la voûte, ni les bouquets jetés en tas, se fanant parmi les lierres et les églantiers, ni l'autel lui-même placé au centre, à côté d'un petit orgue roulant, couvert d'une housse. Mais, comme elle levait les yeux, elle retrouva, au sommet du rocher, dans le ciel, la mince basilique blanche, qui se présentait de profil maintenant, avec la fine aiguille de sa flèche, perdue au bleu de l'infini, ainsi qu'une prière. Ô Vierge puissante, Reine des Vierges, Sainte Vierge des Vierges. Cependant, Pierre avait réussi à pousser le chariot de Marie au premier rang, en avant des bancs de chêne, qui s'alignaient très nombreux au plein air, comme dans la nef d'une église. Déjà, ces bancs se trouvaient complètement garnis de malades qui pouvaient s'asseoir. Les espaces vides s'emplissaient de brancards posés à terre, de petites voitures dont les roues s'enchevêtraient, d'un entassement d'oreillers et de matelas, où pêle-mêle voisinaient tous les maux. Et il avait reconnu, en arrivant, les vignerons avec leur triste enfant Gustave le long d'un banc, tandis que, sur les dalles, il venait d'apercevoir le lit garni de dentelles de Madame Dieu l'a fait, au chevet de qui son mari et sa sœur priaient, agenouillés. D'ailleurs, tous les malades du wagon se rangeaient là, Monsieur Sabatier et le frère Isidore côte à côte, Madame Vêtue affaissée dans une voiture, Élise Rouquet assise, la grivotte exaltée, se soulevant sur les deux poings. Il retrouva même Madame Maz à l'écart, anéantie dans une prière, pendant que, tombée à genoux, Madame Vincent, qui avait gardé sur les bras sa petite rose, la présentait ardemment à la Vierge, d'un geste éperdu de mère, pour que la mère de la divine grâce eût pitié. Et la foule des pèlerins, autour de cette enceinte réservée, grandissait toujours, une cohue qui se pressait, qui débordait peu à peu jusqu'au parapet du Gave. « Ô Vierge clémente !» continuait Marie à demi-voix. « Oh, Vierge fidèle, Vierge conçue sans péché !» Et défaillante, les lèvres agitées encore par une oraison intérieure, elle regardait Pierre éperdument. Celui-ci crut qu'elle avait un désir à lui exprimer. Il se pencha. « Voulez-vous que je reste ici à votre disposition pour vous conduire tout à l'heure aux piscines ?» Mais quand elle eut compris, elle refusa d'un signe de tête. Puis, fiévreuse, « Non, non, je ne veux pas être baignée ce matin. Il me semble qu'il faut être si digne, si pure, si sainte avant de tenter le miracle. Cette matinée entière, je veux le solliciter à main jointe. Je veux prier, prier de toute ma force, de toute mon âme. » Elle suffoquait. Elle ajouta, « Ne venez me reprendre qu'à 11 heures pour retourner à l'hôpital. Je ne bougerai pas d'ici. » Pierre, pourtant, ne s'éloigna pas, demeura près d'elle. Un instant, il se prosterna. Et il aurait voulu, lui aussi, prier avec cette foi brûlante, demander à Dieu la guérison de cet enfant malade, qu'il aimait d'une si fraternelle tendresse. Mais, depuis qu'il était devant la grotte, il sentait un singulier malaise le gagner, une sourde révolte qui gênait l'élan de sa prière. Il voulait croire. Il avait espéré toute la nuit que la croyance allait refleurir en son âme, comme une belle fleur d'ignorance et de naïveté, dès qu'il s'agenouillerait sur la terre du miracle. Et il n'éprouvait là que gêne et inquiétude en face de ce décor, de cette statue dure et blafarde dans le faux jour des cierges, entre la boutique au chapelet, pleine d'une bousculade de clientes, et la grande chaire de pierre, d'où un père de l'Assomption lançait des aves à pleine voix. Son âme était-elle donc desséchée à ce point? Aucune rosée divine ne pourrait-elle donc la tremper d'innocence, la rendre pareille à ces âmes de petits enfants qui se donnent tout entière à la moindre caresse de la légende? Puis sa distraction continua, et il reconnut le père Mathias dans le religieux qui occupait la chaire. Il l'avait rencontré autrefois. Il restait troublé par cette sombre ardeur, cette face maigre aux yeux étincelants, à la grande bouche éloquente, violentant le ciel pour le faire descendre sur la terre. Et, comme il l'examinait, étonné de se sentir si différent, il aperçut, au pied de la chaire, le père Fourcade, en grande conférence avec le baron Suire. Ce dernier semblait perplexe. Pourtant, il finit par approuver, d'un branle complaisant de la tête. Il y avait également là l'abbé Judaine, qui arrêta le père un instant encore. Sa large face paterne exprimait, elle aussi, une sorte d'effarement. Puis, il s'inclina à son tour. Tout d'un coup, le père Fourcade parut dans la chaire, debout, redressant sa haute taille, que l'accès de goutte dont il souffrait courbait un peu. Et il n'avait pas voulu que le père Mathias, son frère bien-aimé, préféré entre tous, descendît tout à fait. Il le retenait sur une marche de l'étroit escalier, il s'appuyait à son épaule. D'une voix pleine et grave, avec une autorité souveraine qui fit régner le plus profond silence, il parla. « Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous demande pardon d'interrompre vos prières, mais j'ai à vous faire une communication. J'ai à réclamer l'aide de toutes vos âmes fidèles. Ce matin, nous avons eu à déplorer un bien triste accident. Un de nos frères est mort dans un des trains qui vous ont amené, comme il touchait à la terre promise. » Il s'arrêta quelques secondes. Il semblait grandir encore. Son beau visage se mit à rayonner dans le flot royal de sa longue barbe. « Eh bien, mes chers frères, mes chères sœurs, malgré tout, l'idée me vient que nous ne devons pas désespérer. Qui sait si Dieu n'a pas voulu cette mort afin de prouver au monde sa toute-puissance. une voix me parle qui me pousse à monter ici, à vous demander vos prières pour l'homme, pour celui qui n'est plus et dont le salut est quand même aux mains de la très sainte Vierge, qui peut toujours implorer son divin Fils. Oui, l'homme est là, j'ai fait apporter le corps, et il dépend peut-être de vous qu'un miracle éclatant éblouisse la terre, si vous priez avec assez d'ardeur pour toucher le ciel. Nous plongerons le corps dans la piscine, nous supplierons le Seigneur, Maître du monde, de le ressusciter, de nous donner cette marque extraordinaire de sa bonté divine. » Un souffle glacé, venu de l'invisible, passa sur l'assistance. Tous étaient devenus pâles, et sans que personne eût ouvert les lèvres, il sembla qu'un murmure courait dans un frisson. « Mais !» reprit violemment le père Fourcade, qu'une réelle foi soulevait. « De quelle ardeur ne faut-il pas prier ? Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est toute votre âme que je veux. C'est une prière où vous allez mettre votre cœur, votre sang, votre vie, avec ce qu'elle a de plus noble et de plus tendre. Priez de toute votre force. Priez jusqu'à ne plus savoir qui vous êtes, ni où vous êtes. Priez comme on aime, comme on meurt, car ce que nous allons demander là est une grâce si précieuse, si rare, si étonnante, que la violence de notre adoration peut seule obliger Dieu à nous répondre. Et, pour que nos prières soient efficaces, pour qu'elles aient le temps de s'élargir et de monter au pied de l'Éternel, ce ne sera que cet après-midi, à 3 heures, que nous descendrons le corps dans la piscine. Mes chers frères, mes chères sœurs, priez, priez la très sainte Vierge, la reine des anges, la consolatrice des affligés. » Et lui-même, éperdu d'émotion, reprit le rosaire, pendant que le père Mathias éclatait en sanglots. Le grand silence anxieux fut rompu, une contagion gagna la foule, l'emporta en cris, en larmes, en des bégaiements désordonnés de supplications. Ce fut comme un délire qui soufflait, abolissant les volontés, ne faisant plus de tous ces êtres qu'un être, exaspéré d'amour, lancé au désir fou de l'impossible prodige. Pierre, un moment, avait cru que la terre manquait sous lui, qu'il allait tomber et s'évanouir. Il se releva péniblement, il s'écarta.